Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous avec le disco et la funk. Alors on va débuter avec la découverte du jour. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le groupe Unlimited Touch et son titre Enamidal. La chanson elle est sortie en 1981. Le groupe il va être surtout connu pour un autre titre, I Heard Music in the Streets. Promis, on l'écoutera un de ces quatre. Le groupe se sépare la même année pour se reformer 2 ans plus tard et définitivement se dissoudre en 1984. Que de péripéties, allez-vous me dire. Bon, allez, le mieux à faire, c'est qu'on écoute cette pépite. I'm Alors, on va continuer notre rubrique des 100 hits qui ont fait le disco en s'attendant sur First Time Around du groupe Sky. Randy Muller, le fondateur du groupe, n'est pas un novice en matière de disco. Il débute en 1974 en produisant plusieurs tubes comme Do It Till You're Satisfied de BT Express ou Moving, interprété par Brass Constriction. En 1979, Muller se concentre sur Sky, sa nouvelle production, qui se compose de 8 membres. Ils prennent leur temps, c'est le moins qu'on puisse dire, car ils mettent 3 ans avant de sortir leur premier album, Sky. L'album sortira en 79. Alors pour la promotion, ils s'inventent une origine extraterrestre en racontant dans les médias qu'ils viennent de la planète Yen Zalia. Alors je sais même pas où c'est. Sur la pochette, ils apparaissent vêtus de costumes futuristes en volant sur des deltaplanes. First Time Around est le premier extrait de l'album. Pour l'orchestration, Muller il va s'appuyer sur une ligne de basse auquel il ajoute un piano électrique, de la guitare funky, le tout enrobé de voix féminines. Le tempo est plus lent que dans la plupart des hits disco, mais il est parfait pour la teneur sexy et la moiteur des chants. Le single devient incontournable des DJ de la célèbre boîte Paradise Garage. Par la suite, Sky va enchaîner les succès, mais c'est une autre histoire. First time around, Pour notre rubrique face B, on va s'attaquer à un groupe très connu, j'ai nommé Cool and the Gang. On va découvrir la face B du 45 Tours, Tonight. Sorti en 1983, il y a une particularité, c'est qu'en face B, il y a deux morceaux. Johanna et Straight Ahead. Johanna est plus connue que Straight Ahead, et comme le but de cette émission est aussi de vous faire découvrir des titres, bah j'ai choisi de vous présenter ce dernier. Ça bouge bien, c'est du Cool and the Gang, bref, que du bon. Allez, je vous laisse savourer. Alors, le maxi du jour concerne un groupe que l'on n'a pas écouté depuis longtemps, en l'occurrence The Whispers. Le titre, c'est It's a Love Thing, sorti en janvier 1981. Il est extrait de l'album Imagination, sorti en 1980, lui. Il va atteindre la 2e place des charts US, la 9e place en Angleterre et la 10e en France. Le groupe a eu le bonheur de voir le titre servir à une pub pour L'Oréal en 2016. Alors, est-ce un bonheur ou non? On ne sait pas. Allez, let's go! Et spéciale dédicace pour Christelle. Burst into flame. You fill the moon. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. La pépite du jour est consacrée à un immense chanteur qui a tenté avec succès une incursion dans le disco. Alors, si je vous dis The Beatles, tout le monde connaît. Alors, on va en sélectionner un, Sir Paul McCartney et son groupe Wings. En pleine vague disco, en mars 1979, sort un single Goodnight Tonight. Deux versions sortiront. Une de 4 minutes 15 et un maxi de 7 minutes 15. Le succès du single ne s'est pas fait attendre et le disque est arrivé en 6ème position en Angleterre, 5ème aux États-Unis et mieux, 4ème en France, pour finalement obtenir un disque d'or bien mérité. À toi, Paul. Thank you. Bon, bah, il est temps de se quitter, hélas. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis samedi prochain sur Fadjet. Bye bye.